passé ensemble 5 ans de notre vie. Ça n'était pas toujours rose, mais on s'aimait le cœur bien rempli. Nous avions tous les deux des projets plein la tête, et souvent fait la fête, danser jusqu'au bout de la nuit. Tu m'as laissé sur les lèvres un léger coup de sel. Maintenant qu'il faut laisser faire le temps, vivre l'instant présent et sans se perdre pour autant. Il se peut que demain qu'à nouveau tourne le vent, mais qu'importe tout le prix, je t'aimerai toujours même si tu m'as laissé sur les lèvres un léger coup de sel. Quand on s'est dit au revoir tout au bout du couloir, t'en partir, pourquoi te retenir? Alors je garde au fond de moi seulement que les bons souvenirs. Et si j'en rêve encore, c'est parce qu'au fond j'ai l'espoir de te revoir. Mais peut-être que j'ai tort d'y croire, oui d'y croire. Chaque battement de cœur, chaque battement de